Quelle étrange idée que d'analyser tout ce que je dis. Le vrai, le faux, le bien et le mal, tu ne peux pas comprendre. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais je n'en ai pas envie. Alors essaie encore de faire tomber l'ange que j'étais. L'ange que j'étais, pas rien, pas rien. Maintenant sors l'instrument que je t'ai donné et joue-moi l'air des journées passées à essayer d'apprivoiser l'ange que j'étais, pas rien, pas rien. L'ange que j'étais, l'ange que j'étais, paria papaya. L'ange que j'étais, l'ange que j'étais, pas.